Ouais, je te vois là. Bon, alors, je vais raconter une histoire. Vas-y, raconte une histoire. L'histoire d'un pote. Voilà, on est une soirée tranquille entre collègues. On est 4 fins autour de mon camion. Normal, quoi. Normal. Et là, une nana, elle passe. Bon, tu te dis, voilà, quoi, c'est une nana. Elle a fait. D'après ce qu'on avait compris. Hein. Elle avait perdu toutes tes potes, toutes tes copines. Elle était toute seule. Donc, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? T'es tout seul. Tu dis, t'as turbin. Tu dis, y'a moyen. Voilà. Normal. Normal. Y'a moyen d'aller les tourner. Voilà, tu tentes, une approche soft, tout le monde côté dehors. Au début, ça se passait bien. Voilà. Fred s'y met. Fred sort, se détache, se colle à côté d'elle. Jusque-là, tout va bien, mais si j'avais un peu les boules. Et bien sûr, Fred accapare la conversation. J'en respecte que mon pote n'a rien fait. Bon, on en reste là. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, au bout d'une petite heure, on va dire, parce qu'il a appris la connaître quand même avant. On va dire, il va parler 5 minutes avant de dire ça. Il lui dit, mais, tu sais, il lui sort une petite taille comme ça, tu sais, un petit pic comme on se fait entre nous. Mais elle pouvait pas comprendre, elle ne nous connaissait pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Elle ne comprend pas, elle fait, mais il est un peu méchant. Alors, après, pour défendre l'atmosphère, il sort la phrase qui dit tout. Mais, si tu veux. Tu peux me dire que tu m'encules. Regarde, nous, entre nous, on se le dit, y'a pas de problème, hein, peut-être. Regarde, moi, je te dis, si je t'encule, c'est que je t'aime bien. Et elle, elle a compris la blague. Je vois que le caméraman est aussi stérile que moi. Et bah, tout à fait, il lui a dit non, mais t'inquiète, rigole, 5 minutes chrono en main, disparition de la carte. Mais, c'est une bonne histoire. Pensez-y, si je t'encule, c'est que je t'aime bien. Ouais, je dis. Thank you.